pâte brisée, pâte feuilletée et pâte à choux, donne-nous le pouvoir, super pâte et pâte potiron. Grandad, oui c'est Grandad, c'est pas Mario et c'est pas Luigi. C'est pas les pierres à feu, c'est juste un jeu à qui bien pourri. Armé d'un gourdin, il va sauver Dino dans un jeu plagiarisé. Grandad, c'est Grandad, ouais. Nintendo s'en fout car c'est pas, s'en fout car c'est pas, car c'est pas un bad game. Grandad, oui c'est Grandad, c'est pas Mario et c'est pas Luigi. C'est pas les pierres à feu, c'est juste un jeu à qui bien pourri. Armé d'un gourdin, il va sauver Dino dans un jeu plagiarisé. Grandad, c'est Grandad, ouais. Nintendo s'en fout car c'est pas, s'en fout car c'est pas.